Claude Desmarie. Je suis l'ancien secrétaire du CHSCT, donc du réseau de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, je suis membre du CHSCT. Bruno Bernard, je suis le secrétaire actuel du CHSCT de T2C Clermont-Ferrand. Et conducteur de bus. Moi, je suis Robin Foot, donc je suis social du travail et des techniques. Et je travaille depuis longtemps avec des ergonomes, donc pendant tout un temps avec Guylaine Donnelchon, et là avec Lorraine Elbert qui aurait pu venir, avec qui on est sur le projet. Je suis Étienne Page, élève ingénieur en première année à l'École nationale des ponts et chaussées, et je suis en stage scientifique auprès de Robin, donc LAS. S'engager pour faire, on va vous montrer le film, c'est on va essayer de suivre les transformations du travail sur 3-4 ans, pour voir ce qui se modifie avec la transformation d'un poste de conduite. C'est ça, on va vous montrer les choses. Alors, juste pour présenter, donc, alors, on est dans une situation un peu étrange. Ça fait dans le milieu du tramway. On s'est engagé avec Guylaine Donnelchon à partir de 2000, avec les premières expertises à la demande de syndicalistes de Nancy sur des choses bizarres qui étaient des bus-trams qui étaient à Nancy et à Caen. Et on s'est rendu compte que le milieu du transport public pensait innovation, mais il s'était jamais posé la question de comment on conduisait les véhicules. Ils essayaient de transformer la manière de conduire, parce qu'ils voulaient faire des bus qui pouvaient être conduits par des rails, et à aucun moment ils s'étaient posé la question du poste de conduite. Qu'est-ce que ça changeait pour le conducteur ? On s'est retrouvé avec des postes de conduite complètement aberrants, qui étaient centrés autour d'un volant, alors que les choses étaient guidées avec un rail, qu'il ne fallait surtout pas toucher le volant, parce que ça risquait de faire dérailler le véhicule. Donc on était dans des trucs qui nous a interrogés sur un peu ce que François Sigaud appelle l'aliénation culturelle du milieu pour réel. Sur comment ça se fait que un milieu professionnel complet, puisqu'il y a des gens impliqués, il y avait la RATP, il y a eu des choses spécifiques qui ont été construites pour, puissent passer à côté du fait qu'ils transformaient complètement le travail, pourquoi ça ne les interrogeait pas du tout. Donc on s'est posé cette question-là, pourquoi ils étaient centrés tellement sur les objets techniques qu'ils en oubliaient que dans les objets techniques, il y avait des personnes qui les conduisaient. Donc ça, c'était en 2000, et ça a fait un peu un coup de tonnerre dans le milieu, il ne fallait pas beaucoup, et ça a commencé à faire bouger les choses au niveau institutionnel, mais aussi parce qu'on était à la boue de l'école des ponts. Donc on avait la réputation de l'école des ponts qui nous a servi à avoir de l'autorité. Dans l'école des ponts, elle trouve que ce tram est pas bon. Voilà. Donc, à la une de l'Est républicain, c'était parfait. Et après, on a, alors en 2002-2003, il y a le projet de tram sur pneus à Clermont-Ferrand. Même chose, c'était dans la même branche d'innovation, le tramway innovant. Même chose, il y a une procédure syndicale à ce moment-là qui démarre sur une expertise nouvelle technologie demandée par le comité d'entreprise en 2003. Et on découvre avec Guylaine Donnelchon un truc complètement bizarre, c'est le système d'hommes morts sur les tramways. Et très vite, on s'interroge sur ce système-là et on ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué. Alors, le système d'hommes morts, pour rappeler, c'est un objet qui a une vieille histoire sociale, puisque dans les années 60, en 65, une équipe de conducteurs syndicalistes CGT vont voir Louis Le Guillon et son équipe pour demander une étude sur la VACMA qui est en train d'être introduite dans les chemins de fer. Donc c'est à la fois un objet bizarre, parce que c'est la première fois que des syndicalistes demandent à des psychiatres de faire une expertise sur les conditions de travail. Et c'est là où, pour la psycho du travail, va émerger la question de la psychanalyse à l'intérieur de l'analyse du travail. Hein, donc c'est avec Jean-Jacques Moscovitz, tout ce travail qui va être fait. Donc l'homme mort a un statut assez particulier dans les sciences sociales du travail et dans le mouvement social, parce que 50 ans plus tard, on se retrouve avec à nouveau cette question posée, mais dans les tramways. Alors, l'homme mort, c'est quoi? C'est quand on introduit un véhicule guidé, conduit avec un seul agent à bord, on met en place un dispositif pour pallier la mort du conducteur. Donc, si le conducteur meurt, il faut que l'engin s'arrête. Donc, il y a un système de détection. L'outil diagnostique, il est calibré de manière assez grossière, puisque le principe, c'est la défaillance du conducteur se traduit par le relâchement du tonus musculaire. Donc, il faut maintenir quelque chose. Et quand on meurt, quand on dort, quand on s'évanouit, on relâche. Il y a un relâchement du tonus musculaire. Donc, le maintien du dispositif de l'actionneur fait constater que le conducteur n'est plus conscient. Alors, c'est un calibrage grossier, puisque si on est en train de s'endormir, si on est en train d'être complètement ailleurs, on peut continuer à actionner l'homme mort. Il faut vraiment dormir profondément pour que ça s'arrête profondément. Il faut vraiment dormir, il faut vraiment s'évanouir, il faut vraiment... Et la VACMA a été introduite en 65, c'est au moment de l'électrification, l'extension de l'électrification à la SNCF, et c'était pour éviter la fraude au système. Avant, on avait une veille automatique, on maintenait, par exemple, sur les volants traction des trains, on tournait, et on avait un cercle en dessous, qui était une forme d'un genre de klaxon qu'il y avait sur le 403. Et on le maintient. Donc, on pouvait mettre un bout de ficelle, on l'attachait, on était tranquille sur des grands trajets. C'était un des problèmes récurrents de la conduite sur train, c'est un des avantages. C'est qu'on peut rester parfois 10 minutes sans toucher un actionneur dans la loge de conduite, parce qu'on roule sur l'air, c'est-à-dire sur l'élan, et c'est même une des points de compétence, de savoir-faire des conducteurs, y compris maintenant, de celui qui économise le plus l'énergie en roulant sur l'air, donc en connaissant bien les profils de voie. Donc, un des virtuosités du travail de conducteur, c'est de pouvoir rouler sur l'air. Et pour pallier ça, la SNCF a produit un système où on est obligé de relâcher périodiquement pour montrer qu'on n'a pas bloqué le système. Donc on a un double système, on a un système où le conducteur signale à la machine qu'il est là, et après le conducteur doit signaler à la machine qu'il n'a pas fraudé. On a un double système de contrôle, mais qui a un système de sécurité ultime. Sur la SNCF, c'est 55 secondes de maintien maximum, au-delà duquel on a 2 secondes et demie de relâchement, de possible de relâchement obligatoire sans alarme. Et si on dépasse les 2 secondes et demie, on a 2 secondes et demie avec alarme. Et au bout des 5 secondes, on a le déclenchement du freinage d'urgence. Et sur les tramways, pour une raison complètement inexpliquée, on a imposé ce temps à 10 secondes. Et quand on a demandé, donc on est tombé là-dessus avec Guylaine, et on s'est dit, mais comment ils ont calculé ce temps? Et c'était quelque chose de très contraignant, parce que on arrive, alors si on fait les 10 secondes, on arrive à 6 gestes par minute, en plus de tous les autres, mais on a assez vite pensé qu'on serait en dessous. Effectivement, les calculs montrent qu'on est plutôt de l'ordre, dans les intervalles de fréquence, de l'ordre d'une seconde 5 à 2 secondes et demie de fréquence. Donc on est dans l'ordre des mouvements entre 30 à 40 mouvements par minute. Voilà. Donc ça, c'est, et alors, ce qui est curieux dans l'exemple dont on va parler, c'est que ça fait 10 ans de lutte à Clermont sur un truc qui est une obligation de fait d'avoir une action très fréquente, très faible, mais très fréquente, sur des positions très statiques. Donc avec un des problèmes de production, de générer des TMS, ou en tout cas c'est un point qui focalise tous les stress, tous les... Et on a ce problème-là, on a... Quelque chose qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune obligation, une rationalité d'imposer cette temporisation, puisque relâcher toutes les 10 secondes n'a pas de sens, puisque c'est pour éviter la fraude. Et donc, il y a un fantasme qui occupe la tête des concepteurs, c'est la mort crispée. C'est la défaillance crispée. Et donc, ils ont peur que des conducteurs puissent se crisper dans la défaillance. Donc, ils considèrent qu'il faut obliger de relâcher rapidement. Une des théories, c'est de dire, en milieu urbain, on a un carrefour toutes les 10 secondes. Donc, il faut faire, voilà. On a des rationalités a posteriori qui sont ex post, qui sont construites pour justifier les 10 secondes. Mais quand on demande au milieu de comment vous avez calculé ça, à quoi ça sert, il n'y a aucune trace d'aucun document qui expliquerait, qui justifierait ce système. Donc là, on a quelque chose de très curieux. Alors, j'ai fait un com et les syndicalistes de Clermont aussi. Dans ce document d'une journée qu'on a fait avec la fédération CGT sur le TMS et sur les conditions de travail dans les tramways. C'est qu'il n'y a pas de rationalité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très contraignant, qui n'a pas de justification, qui n'a aucun intérêt économique. Donc on est. Qui est relativement. Il y en a pas un problème de connaissance. Le fait que des mouvements fréquents. Sur des positions statiques, soit générateur de TMS, quelque chose qui n'y a pas de doute. Et c'est apparemment très compliqué pour modifier ça. Donc on n'est pas du tout comme dans l'électronique ou dans les abattoirs, on augmente les cadences pour une raison économique. On a quelque chose qui surajoute à un poste de travail, qui n'a pas de justification physiologique, qui n'a aucun intérêt en termes économiques, dont on sait qu'ils ont des effets délétères, et ça fait, à Clermont, 4 ans, enfin depuis 2004, que cette, donc avant la mise en exploitation du tramway, que cette situation est connue, qu'on a alerté dès 2004 qu'il y avait un danger de TMS avec la conception de ce poste, et en 2007, quand le tram commence à être exploité, on a très rapidement des plaintes sur les douleurs. Et en 2009, on a la première reconnaissance de maladie professionnelle. Voilà, donc c'est cette histoire un peu bizarre qu'on va essayer de vous raconter sur une situation où on est dans les fantasmes des concepteurs qui imposent des conditions de travail délétères sans autre justification que de rassurer les concepteurs de leurs propres fantasmes. Et on n'arrive pas. Alors, pour ça, la com que j'avais faite, c'est appelé « Les fantasmes sont têtus ». Et donc, on s'aperçoit que c'est pas forcément parce que c'est fantasmatique que c'est plus facile à bouger. Et on aurait même l'impression que... Donc, par rapport au séminaire, c'est vraiment le problème de... Est-ce que c'est les connaissances? Ou comment réarticuler, en fait, la question en gros, c'est comment arriver à réarticuler, à réagencer les savoirs? Dans quel type de rapport de force, dans quel type de rapport pour faire bouger les choses. Et en quoi la modification idéologique de l'imaginaire d'un milieu, par quel biais il faudrait arriver à le faire bouger, comment ça se passe, je pense que on peut soit montrer un bout de film sur une situation de travail que Étienne a monté, réalisé, dans 5 minutes, et après on. Ça vous donnera une idée sur la situation de travail. Alors, c'est le film, donc c'est un dispositif, tu peux l'expliquer. En gros, on a fait un dispositif qui consiste à analyser le regard de la conductrice en premier lieu. C'est pour ça qu'on a une vue qui est en bas ici, là, qui représente ce que voit la conductrice depuis son poste de conduite. La vue en haut à droite représente le regard de la conductrice. En même temps. Donc on peut voir en fonction de l'endroit où elle regarde à peu près, puisque la vue du haut est en miroir, quand elle regarde à droite, c'est que l'image d'en bas, elle regarde quelque chose qui se trouve à droite. Ça nous permet d'avoir une idée du nombre de situations stressantes qui peuvent survenir quand elle est en milieu urbain. S'il y a un passage piéton, un carrefour, on peut voir directement sur son regard ce qui apporte son attention. On a ajouté un troisième dispositif, je ne sais pas si on va pouvoir bien s'en rendre compte là, parce que c'est plutôt sonore et on n'a pas, je crois, le dispositif adéquat pour entendre. On a mis un micro qui permet d'enregistrer le son que produit la conductrice quand elle appuie sur le dispositif d'homme mort. C'est deux boutons qui sont de part et d'autre du pupitre, qu'elle appuie régulièrement. Voilà, on voit sur la vue en haut à gauche, c'est aussi pour ça qu'elle est là. On a une conception d'un vol de conduite qui a été fait par un ergonome, enfin qui a été validé par un ergonome, et qui est un hybride entre une conduite de bus et un poste de bureautique. Voilà, dans la conception, ça a été explicité comme ça dans le rapport fait par l'ergonome. Et donc on a. Attends, j'ai lancé un conduit en situation. Donc on a des écrans de rétrovision qui sont là. On a une console de commande avec un gong qui est là, donc qui est la clochette qui doit faire sonner les conducteurs au moment où il y a des piétons, on passe un carrefour, ils croisent notre arme. Là, on a les commandes d'aiguillage qui ont été bricolées pour protéger, pour éviter de faire une fausse manip. Et là, on a les trois commandes de porte. Et c'est un clavier, c'est-à-dire que toutes les touches sont homogènes, donc on ne peut pas, quand on regarde à l'extérieur, quand on surveille l'environnement, ce qui est le boulot, on est obligé de regarder la console pour savoir sur quel bouton appuyer. Ou alors on est obligé, ce que vous regarderez dans le film, de bloquer le doigt sur le gong, parce que ça c'est la touche de sécurité. Le klaxon est juste au-dessus. Il y a un certain nombre de touches qu'on peut forcément, on est obligé de regarder, donc de perdre de vue la voix, pour les actionner. Même chose pour les essuie-glaces, etc. Donc on a toute une stratégie de verrouillage des positions des conducteurs et un problème de réglage au poste, c'est-à-dire qu'il faut... Alors c'est un tramway qui est conduit avec des pédales, contrairement à la plupart de ceux que vous connaissez qui sont conduits avec un manipulateur à gauche qu'on actionne. Donc c'est un pédalier, donc on règle son poste en fonction des pédales, mais après il faut qu'on règle sa position pour pouvoir voir le compteur de vitesse qui est là et les écrans de rétrovision. Donc on est toujours dans des compromis posturaux. Une fois qu'on a trouvé, on est quasiment bloqué dans la posture. Et c'est le premier tram où on a quelque chose qui s'interpose entre des écrans de rétrovision et un compteur de vitesse qui oblige les postures. Donc c'est un truc qui est très, très étonnant. C'est vraiment des innovations qui sont faites sans que les concepteurs aient la moindre idée qu'ils sont en train d'innover. C'est un truc, ils ont... Le fait qu'il n'y ait pas de situation de référence ne leur pose pas de problème. Ils mettent les choses en fonction du design, là où il y a de la place, etc. C'est vraiment, il n'y a pas du tout d'imaginaire. C'est plutôt une absence d'imaginaire de quelqu'un qui est en train de la conduire pour concevoir les choses. Voilà, donc c'est ça. Donc on peut montrer de l'enseignement. Donc vous allez voir... Donc pendant le film, que la conductrice va garder sa main gauche bloquée sur le gong. Alors là, on entend les tic, tic, tic, tic, tic. C'est le bruit de l'actionneur de veille. Et quand on compte, on est de l'ordre là d'une seconde 8 d'intervalle entre deux clics. Donc là, on a un signal fermé. Repositionne ses mains, ça va démarrer. Donc la main droite est bloquée sur l'actionneur de veille et la main gauche est bloquée sur au-dessus du gong. Et là on entend le clic, clic, clic. Et plus on est dans des moments de tension, alors c'est là qu'on veut voir avec les chaînes, quand il y a des surveillances, etc., on voit que les cliquetis s'accélèrent. Donc on peut passer à des fréquences extrêmement fortes. Voilà, quand on passe là dans des espaces piétons, on est tout le temps avec des gens qui sont à côté, des vélos, des... Voilà, on est tout le temps en train de surveiller. Donc sur un tramway, la seule solution, c'est vraiment d'anticiper, donc de voir loin. Là, on arrive en station. Voilà. Et là, les cliquetis augmentent. On est dans des fréquences. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais rappeler quelques éléments que tu as précisés, mais en essayant de rester synthétique. Donc c'est une lutte de 10 ans en fait. Ça a commencé en 2003, la première expertise que le CE avait demandé au LATS par rapport à ce nouveau matériel. Et très rapidement, l'expertise a pu écrire, enfin expliquer qu'il y avait un risque autour de ce poste de conduite, de par les dimensions du poste et les contraintes par rapport au gabarit des conducteurs ou des conductrices, par rapport aux écrans de rétrovision, le pupitre, le réglage du siège qui est limité parce que derrière il y a une armoire, le passage de roue, donc, et bien sûr le système de VACMA. Et ça s'est avéré, l'expertise avait raison, puisque très rapidement, donc, on a eu une reconnaissance d'une maladie professionnelle. D'abord, ce qui nous a choqué, nous, salariés et utilisateurs du matériel, c'est que c'est un choix politique au départ, par rapport à un tramway sur pneu, Michelin, donc tout ça. Les salariés, sur l'aspect technique, sur le matériel, ne sont jamais consultés. Même l'exploitant, il est face à un choix d'un politique, et après, il faut s'adapter. Donc, heureusement qu'il reste la possibilité de demander une expertise et de faire réaliser une expertise. Au départ, voilà, c'est cette expertise qui trace toute notre lutte. Parce que c'était ancré, c'était posé. Mais très rapidement, l'autorité organisatrice, le SMTC à Clermont-Ferrand, a demandé une contre-expertise. Qu'une ergonome, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame Dessaigne, a expliqué en séance de CHSCT que si les gens, les conducteurs devaient se rendre, risquer d'être malades dû au poste pathogène, au poste de conduite, ben c'est parce qu'ils veillaient mal en fait. Ils étaient un peu idiots, ils appuyaient trop fort, ils se crispaient. Donc elle avait une démarche d'explication, de pédagogie, de formation autour du conducteur, de l'utilisateur, pour modérer, voire supprimer tous les risques. Quand on voit elle voulait faire une formation pour rallonger le temps d'appui pour passer, pour que les conducteurs restent au moins 6 à 7 secondes et pas 2 secondes. Oui, puis elle avait même demandé à ce que les boutons soient moins d'efforts. Moins d'efforts, donc elle était toujours dans le même constat, il fallait veiller. Alors, ils avaient fait plusieurs boutons, plusieurs systèmes, avec des efforts plus ou moins importants. Mais ce qui changeait, absolument rien, quoi. Parce qu'il y a toujours la contrainte de veiller sans arrêt. Et là, sur ce dossier-là, c'était fondamental de connaître le dossier de l'expertise au départ et d'avoir un suivi tout au long de l'histoire. Parce que sinon, en CHS, il y avait des nouveaux élus qui, certains, ne s'intéressaient pas. Ils n'avaient pas digéré la première expertise. Donc, nous, la force de notre combat, ça a été un fil conducteur tout au long de cette lutte. Avec des gens, moi j'étais secrétaire après mon collègue, un autre collègue de la CGT est secrétaire avant nous. Et surtout, notre délégué syndical a suivi toute cette démarche pendant 10 ans, parce qu'on s'épuise, hein, bien sûr. Mais là, il y a eu une réunion de CHS qui était très importante, où Mme Dessaigne assistait, hein, qui était donc l'ergonome du SMTC. Et on avait travaillé avec Robin en amont sur son rapport, en fait. Et on a démonté son rapport en séance de CHSC. Et la direction de notre entreprise, qui suivait un peu l'autorité organisatrice, hein, en disant, bon, il y a une contre-expertise, il y a ci, il y a ça, ils suivent un peu... À la limite, il prenait un petit peu les nouvelles préconisations de Mme Dessaigne, il était prêt à les entendre, mais là, on s'est mis un peu en colère, quoi. On a dit non, c'est plus acceptable. Si vous continuez, si Mme Dessaigne assiste à ces séances de CHS, le CHS se retire. On était majoritaire à l'époque, nous, CGT. On avait quelques moutons d'autres syndicats qui nous ont suivis, heureusement. On a fait une pression comme ça sur notre direction. On a dit, bon, on ne peut plus. Donc, ils ont revu leur position. Mais là, il y avait quand même, on était en conflit avec le SMTC, avec l'autorité organisatrice. Ce qui est fou, c'est que nous, nos revendications, elles étaient essentiellement sur le poste de conduite. Là. C'était de trouver des solutions, puisqu'on était face à quelque chose de mal fait, d'essayer d'améliorer. Et au long cours de. Et avec les reconnaissances de maladies professionnelles, il y a une nouvelle expertise qui a été faite par le cabinet IDENIA et qui a mis en évidence les remarques qui avaient été faites lors de la première expertise. Il y a surtout l'INRS. L'INRS, la CARSAT qui est intervenue pour faire une injonction, prendre des mesures. Voilà, par rapport aux maladies professionnelles, ça c'était important parce que jusqu'à présent, on prêchait un peu dans le vide et donc tout ce que vous aviez observé a été accepté à un moment par tout le monde. Il y avait un risque important, c'est que dans l'expertise qu'avait fait le LATS au départ, c'était la VACMA, le système de veille, qui était le plus pathogène, mais pas que, parce que les remarques, entre autres, les rapports de d'Agnès Aublet-Cuvelier, qui expliquent bien le multifactoriel du risque de TMS par rapport à la posture, la vision, le stress, un tramway, il n'y a pas de volant, donc... Le conducteur, dès qu'il est en ville, on le voit là sur le passage, un vélo, ben, il a un stress induit tout le temps. Plus toutes ces contraintes posturales font qu'il y a le risque et les TMS qui arrivent derrière. Et ça, ce sont des arguments qu'on a toujours portés en séance de CHS. On avait peur qu'ils disent, bon, on met un système de veille, on change de système de veille, et puis c'est bon. Puisqu'on ne peut pas repousser les dimensions du tram. Et ça a été aussi un combat, bon, on va le faire courte, mais par rapport aux politiques. Et le politique voulait nous faire rentrer RATP Développement dans la structure de la SEM. À l'époque, nous étions une SEM à T2C. Et il y a eu un refus des salariés. Il y a eu des journées de grève à 90%. On était en grève parce qu'on avait analysé ce que faisait RATP Dev dans les autres réseaux. En fait, ils s'introduisent pour prendre sur les acquis sociaux, pour faire remonter de l'argent en fait sur RATP. Enfin, bon, on avait fait une grosse information sur les salariés, donc on a mobilisé plus de 90%. Donc très rapidement, les politiques, ils ont reculé. Et de là, on a dit le risque avec une SEM d'avoir dans le capital du privé, on ne peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire tous les 4 ans, on est en appel d'offres. Donc nous, on a dit c'est pas possible, il faut qu'on monte un système de régie. Donc là, on a eu un bras de fer contre le politique et pour obtenir une régie. Donc on a obtenu une régie au bout de 13 jours de grève, donc une régie épique. Et là... On a été entendu et il y a eu un changement au niveau des politiques. Ils se sont dit, bon, c'est pas possible, on ne peut plus continuer à gérer le transport à Clermont comme ça. On était à 8 maladies professionnelles. 8 maladies professionnelles d'un côté. À tout moment, nous, on pouvait dire, il faut faire un droit de retrait. Quoi. On peut faire un droit de retrait par rapport au système pathogène. Ça voulait dire mettre 2 personnes par loge, enfin c'était très très compliqué. Donc là, un jour, en séance extraordinaire de CHSCT, la directrice du SMTC, elle a dit, bon, on ne peut plus continuer comme ça. Nous, on avait dit, si on n'obtient pas quelque chose de votre part politique, on va arrêter le tram. On va communiquer, c'est-à-dire que le constructeur communiquer par voie de presse, hein, de façon importante, le message sera porteur, les TMS, tout ça. Donc, si on n'obtient pas quelque chose, une position de part qui change, et là, elle a dit, bon, voilà, non, on peut pas. Ils n'avaient pas la compétence technique pour modifier les rames, et ils devaient commander d'autres rames, mais en sachant qu'il n'y avait pas de possibilité ils n'avaient pas défini de cahier des charges pour ces nouvelles rames. Donc, nous, on avait nos experts qui étaient à cette séance de CHSCT, et elle a eu un éclair de génie, c'est le seul qu'elle a eu d'ailleurs, cette dame. C'est qu'elle a dit, si vous êtes d'accord, on fait un montage pour avoir vos experts comme assistance à maîtrise d'ouvrage sur les futures rames. On va débloquer un budget pour modifier les rames existantes. pas que sur la veille, hein, sur la commande, le pupitre, toutes les contraintes de vision, posturale, enfin, jusqu'à la limite, bien sûr, de la forme et des dimensions de la cabine. Et là, depuis, donc c'était en 2013. Non, c'est avril 2014. Avril 2014, c'est créé un comité de pilotage, donc avec l'autorité organisatrice, le SMTC, la direction de l'entreprise, l'assistance à maîtrise d'ouvrage à travers des gens en qui on a toute confiance, nous, et le CHSCT. Et le constructeur. Le constructeur, NTL, qui sont aujourd'hui avec Alstom. Et autour de ça, donc, on a eu plusieurs réunions. On en avait une encore la semaine dernière. Et donc, il y a un budget qui a été posé. Et on travaille comme on devrait travailler en France sur tous les nouveaux systèmes en amont de la production d'un matériel roulant. On a vu le bus évoluer, nous, pendant des années. Aujourd'hui, on a des postes de pilotage de bus qui sont ergonomiques, qui sont plutôt agréables. Eh bien, le tramway, on est reparti, mais au siècle dernier. Et ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est logique, c'est du bon sens. Les représentants des salariés sont associés. Ils ne sont pas experts, ils sont accompagnés d'experts qui sont ergonomes. Robin, c'est un spécialiste de la veille. Enfin, il a beaucoup travaillé sur la veille. Donc, aujourd'hui, voilà, on est conseillé, on est accompagné. Mais à quel prix, quoi? Dans la lutte des maladies, on rappelle souvent en séance du CHSCT que nous avons des collègues qui, ça c'est un vrai problème aussi pour nous, instance syndicale, c'est que le salarié fait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Derrière, le système médical dit, on opère, après vous n'aurez plus rien. Alors nous, les gars, ils étaient au tram, ils passent au bus. Mais on est vachement démunis. Et après opération, on a même qui revient au tram. Ouais. Et qu'est-ce que... Je veux dire, il y a quand même... La personne est pénalisée dans son travail. C'est le travail qui l'a rendu malade. Et là, on est un peu démunis. Donc on va essayer d'entamer un travail avec un technicien de la CARSAT et des gens de la CRAM pour voir comment on peut accompagner... parce qu'aujourd'hui, tout se fait, même pour avoir quelqu'un de la CRAM ou de la CARSAT, c'est par mail, quoi. Il faut défoncer des portes pour avoir quelqu'un au téléphone. Donc, c'est vraiment compliqué. Et moi, je voudrais souligner l'importance des expertises, qui soient par le CE au départ et après par les CHSCT. Le pouvoir du CHSCT dans ces luttes, quoi, c'est vraiment fondamental. Et... bien sûr, les organismes d'État, parce que dès qu'on a malheureusement des maladies professionnelles reconnues, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres réseaux, eh bien, ça fait bouger les choses. Hein. Il y a des injonctions vers les directions d'entreprise. Et voilà, petit à petit, on arrive à cheminer, à trouver un fonctionnement qu'on aurait dû avoir bien en amont quand le constructeur décidait de créer un poste. On a vu comment ils travaillaient. Hein. Ils n'avaient pas d'ergonome, ils magouillaient les mannequins, ils faisaient rentrer les fémurs dans le bassin, en fait, des trucs aberrants. On a eu énormément de réunions avec le constructeur où c'était plutôt chaud. Hein, pour qu'ils comprennent une certaine logique, qu'un système soit fiable et sécurisé, un système tramway, ça passe aussi par les conditions de travail du conducteur, ce qu'ils avaient complètement omis dans leur rédactionnel, dans leurs imaginaires et tout. On est face à des techniciens, certes, ou des ingénieurs qui sont performants, mais l'humain, ils ne connaissent pas. Les mecs, ils ne connaissent pas du tout ce que ça peut être la santé d'un salarié. Et ça, bon, je crois qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus ouverts à ça. Mais... Ouais, on a quand même un collègue qui, pour conduire le tram, est obligé de mettre un bâton sur ses genoux pour poser le pupitre, pour pouvoir voir les données, ce qui est aberrant. Parce que bon, il a un bâton de cette grosseur qu'il pose sur lui, et il pose pour que le pupitre ne soit pas comme ça, sinon il ne voit rien. Il ne voit pas le contour, il ne voit rien. Donc... parce qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de... Un des paradoxes du poste, c'est ça. C'est, quand on est grand avec des grandes jambes, on est obligé de se positionner bas. Parce que sinon, on n'arrive pas à avoir les écrans de rétrovision avec la console. Il faut qu'on baisse la console. Parce que la console de commande, elle est sur une colonne en diagonale. Donc quand on la remonte, on la rapproche du siège. Et comme le siège... La cabine n'a pas été pensée pour avoir du recul suffisant, on ne peut pas reculer suffisamment le siège. Donc on est obligé de, à un moment donné, une fois qu'on a reculé le siège au maximum, si on est grand, un peu costaud, on a la console. Donc on est obligé de baisser au maximum le siège, et à ce moment-là, on aurait la console comme ça. Donc on est obligé aussi de baisser la console au maximum. Et donc, à ce moment-là, il faut, faut mettre des cales pour le pour récupérer. Enfin, c'est des situations, c'est des matériels qui valent 3 millions. Enfin, chaque tramway, 3 millions d'euros. Le programme de transformation des postes de conduite, c'est 4 millions qui ont été votés en novembre 2014. Ça fait en gros, c'est pas énorme si on compte par poste, hein, ça fait, il y a 50 postes de conduite, ça fait 80 000 euros pour la transformation de chaque poste. Mais ça veut dire que c'est des bagarres énormes pour obtenir ça. Et ce qui était étonnant dans la bagarre, je trouve que tu as minoré un peu l'importance de la bagarre de 2011 sur la transformation, parce que ce n'est pas 13 jours de grève d'un coup, c'est 13 jours de grève sur l'année, avec un lobbying fort du syndicat sur les élus de la commune, de la communauté d'agglo. Pour faire basculer. Et ils ont réussi à mettre le président en minorité dans sa majorité. C'est pour ça que ça. Et donc. Le président de la communauté d'agglo, il ne se représente plus. La directrice du service du syndicat mixte des transports aussi va partir, etc. Et la chose bizarre, c'est la RATP qui part, quoi, parce que la RATP était en assistance technique jusque-là. Et c'est la RATP qui bloquait toute évolution du service de transport. Et c'est ça, on s'en est rendu compte après la lutte. Quand la RATP, sous forme de RATP d'Ève, a dégagé, il n'y a plus de problème pour poser la question de conception. Donc on est dans un espace religieux. Enfin la RATP, elle n'a pas besoin de justifier ses principes de conception. Il suffit qu'elle l'énonce pour que ça ait valeur de bulle papale dans le système tramway. Et quand on leur demande, mais comment vous justifiez, on n'a pas trouvé de justification, mais comme on a commencé comme ça, on va continuer. Puis on vous emmerde parce qu'on est quand même la RATP. Donc on est dans des espaces extrêmement compliqués. Et bizarrement, une fois qu'il y a eu la création de l'établissement public avec un directeur qui est le même, qui est plutôt dans le milieu un professionnel, il y a quelqu'un qui connaît le transport urbain, ça a l'air bizarre, mais c'est plutôt rare. On a beaucoup de financiers, on a beaucoup de gens qui sortent de Sciences Po pour faire RH et qui gèrent les relations sociales comme un jeu d'acteurs stratégiques. Donc on ne s'occupe pas de ce qu'ils disent, on s'occupe de voir comment on peut les annuler. Comment on peut les amuser, faire autre chose, gagner du temps. Et là, on s'est aperçu qu'une fois qu'on a levé que vous avez levé le couvercle RATP, on a pu poser la question de la conception du poste de conduite. Et que c'est quelque chose qui structure tout le milieu, ce que disait Claude tout à l'heure, sur le fait qu'on a un milieu qui s'organise. Hein. Toutes les connaissances sur le tramway, en gros, sont issues d'expertise syndicale. Il n'y a pas eu de réflexion de la part des constructeurs, de la part des services de l'État, de la part de la RATP, pour produire des connaissances, alors qu'on réintroduit le tramway en 85. On avait perdu des compétences en construction du tramway. Personne ne s'est interrogé, de 85 à 2000, sur qu'est-ce qu'on fabrique. Il n'y a aucune étude qui a été faite. Alors, il y a des études locales qui ont été faites à Strasbourg, mais c'est très, très. Avec Jean-Claude Sago. Mais alors, à chaque fois, c'est des expertises qui sont captées par les constructeurs, qui ne sont pas diffusées. L'avantage des expertises syndicales, c'est qu'on peut les rendre publiques dès lors que le syndicat veut bien les rendre publiques. On n'a plus de problème de circulation. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la fédération CGT, transport urbain, pour arriver à socialiser les connaissances, arriver à mettre en réseau. Et de fait, le milieu change en termes de conception du fait du mouvement syndical. Mais c'est en même temps insupportable. Le service technique qui pilote tous les tramways, ils ne sont pas formés à entendre la parole syndicale. Ils ne sont pas habitués à ce que des syndicalistes puissent produire des expertises, puissent dire leurs mots sur le conduit. Donc, ils sont en train de réfléchir à des guides d'ergonomie uniquement avec des constructeurs et la hiérarchie des réseaux. Et on est dans cette situation extrêmement curieuse où, du fait des expertises syndicales, on a fait des alertes, en particulier sur Clermont-Ferrand avec la question de la pédale de verre, sur l'aberration d'un certain nombre de prescriptions dans les guides techniques. Et donc ils sont obligés, au bout de 2 ans où ils ont publié un guide d'ergonomie, de le refonder complètement, de le reformuler, de le réécrire. Mais ça ne reviendrait pas à l'idée de se dire on a raté une première fois parce qu'on n'a pas impliqué des représentants de conducteurs, etc. Peut-être qu'il faudrait faire ça, et non. On continue à... On dit, la première ergonome qui nous a accompagnés n'était pas bonne, donc c'est Marie-France de Seigne qui a accompagné le service de l'État pour produire le guide d'ergonomie. Donc elle n'est pas bonne, on en prend une autre. Mais dans la même configuration. C'est-à-dire, les constructeurs, les responsables de sécurité des réseaux, et une ergonome, et on ne fait pas circuler avant, en dehors des gens autorisés, compétents. Donc, évidemment, pas les conducteurs, puisque en fait, ils ne sont pas compétents, les conducteurs, pour penser leur projet de travail. Voilà, donc, on est dans cette situation, et alors, la chose particulière, qui a été quand même la chose importante à Clermont-Ferrand, c'est qu'au moment où la directrice du service technique a cette idée lumineuse de nous débaucher, on était dans le cadre d'une expertise CHF, on était en train de la négocier, pour l'achat d'une nouvelle rame. Et là, on s'est rendu compte qu'ils voulaient se servir de l'expertise CHS pour faire un cahier de charge. Et nous, on a dit, non, nous, on fait une expertise pour le CHSCT. On ne veut pas vous faire un projet. Si vous n'avez pas de projet, on fait une expertise comme quoi vous achetez une rame 3,5 millions et vous ne savez pas ce que vous achetez. Et vous avez des maladies professionnelles et vous en foutez. Et ça, on dira ça dans l'expertise, on aura, ça ne vous coûtera même pas très cher, parce qu'on n'aura pas besoin d'aller très loin pour faire l'expertise, on a déjà la conclusion. Et ça a été un moment de blocage comme ça. Et l'invention de dire, bon, on vous débauche comme assistant maîtrise d'ouvrage, et à ce moment-là, on discute, on fait une interruption de séance, et on dit, à quelles conditions ? Nous, on n'était pas chaud, on était embêtés de changer, et on a trouvé une solution, c'est de dire, on est assistant maîtrise d'ouvrage, mais si le CHSCT, qui est intégré dans le comité de pilotage, quitte, alors on arrête la séance à maîtrise d'ouvrage. Donc on a une configuration tout à fait spéciale de rapport de force qui a permis qu'on a une vraie instance délibérante, qui est le comité de pilotage, et que ça a fonctionné en octobre, novembre 2014, où il y a eu des clashs et des tensions, et où c'est à l'initiative du CHSCT que des réunions de comité de pilotage ont été faites pour élargir le périmètre de l'intervention sur la transformation du poste de conduite et pour recadrer le constructeur qui, lui, n'était pas du tout habitué à ce que des syndicalistes puissent intervenir dans la conception. Et donc, ils gardaient leurs habitudes de l'entre-soi. Donc, ils faisaient des commentaires sur qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, etc. Et là, il a fallu que Claude, en particulier, Bruno et Jean-Marie, monte au créneau en disant c'est pas acceptable que le constructeur dise ce qui est acceptable ou pas acceptable du point de vue de la conduite. Et là, la menace a fonctionné parce que c'était le côté, on s'en va. Et si on s'en va, l'assistance à maîtrise d'ouvrage s'en va. L'autre dernière difficulté, c'est qu'on a un constructeur qui est sur une innovation. Il y a très peu de ventes de ce type de tramway. Il y a eu la crise de l'automobile. Le constructeur, c'est... un spécialiste, c'est leur industrie, ils sont spécialisés dans les remorques pour transporter les voitures. La crise de l'automobile a baissé les résultats économiques de l'entreprise, qui a vendu sa filiale tramway à Alstom. Donc on a du côté du constructeur, un constructeur qui est en perte de vitesse, avec une restructuration de l'entreprise, et les gens qui restent dans l'entreprise sont... On sait sur ce qui se passe d'un point de vue subjectif pour les salariés qui restent dans une entreprise qui a fait faillite, qui est rachetée par un grand groupe. Ce grand groupe, c'est Alstom, et Alstom, ils s'en tapent de développer le tramway sur pneus. Donc c'est un achat parce que l'État a acheté, ils n'ont pas vraiment d'envie de le développer, et ils sont soumis à des contraintes économiques qui font qu'ils n'ont pas... pas beaucoup d'allant. Ils étaient très limités dans les propositions qu'ils faisaient sur la transformation du poste de conduite. Ça s'est débloqué au moment, en juillet 2014, en l'été 2014, quand la communauté d'Aglo s'est dit il faut qu'on achète 4 nouvelles rames. Mais la situation de l'entreprise est très difficile puisque c'est la seule commande qu'ils ont pour 2015. Et donc on est dans un bras de fer. Enfin, et là maintenant on a réussi à réaligner tous les acteurs, le syndicat mixte des transports, la communauté d'agglo, la direction, le CHSCT, pour dire on ne signe pas les contrats d'achat tant qu'on n'a pas un devis technique et un périmètre de l'intervention et un calendrier pour la transformation des postes de conduite. Ce qui fait que pour l'instant, constructeurs, toutes les études qu'ils font, ils les font sans contrat. Ils savent qu'ils seront payés à un moment donné. Mais pour l'instant, alors ils sont en très grande difficulté parce que Alstom leur dit il n'est pas question de travailler. Mais on sait que si on signe le contrat d'achat, à ce moment-là, ils ne transformeront plus les postes de conduite. Donc, c'est ce que je voulais juste dire, on arrête là après, mais on intervient à la fois sur des questions où, en fait, la connaissance n'est pas vraiment la connaissance en termes de savoir que les positions statiques sont pathogènes, si c'est verrouillé, s'il y a des actions même faibles, fréquentes, parce qu'il y a des études sur les dessinateurs industriels qui ont été faites, etc. Donc, ça, on le sait. Que ça soit mobilisé dans le cadre du tramway, ça c'est moins évident, donc ça a été fait. Après, ce qui n'était pas connu, c'était ce qui a été découvert avec l'étude de 2011 de l'INRS avec Agnès Oblet-Cuvelier, Kai Nabtel et l'étude d'IDNEA, c'est qu'on a pu mettre en évidence la relation entre surcharge cognitive et l'action sur la veille. Donc on s'est rendu compte que comme c'est une action dérivée, que ça empiète sur la sécurité de conduite d'actionner la veille avec cette menace que si jamais on ne relâche pas la veille, on peut avoir le déclenchement d'un freinage d'urgence. Il faut savoir que le freinage d'urgence dans le tramway est une des causes principales d'accidents de victimes. 60% des victimes du tramway sont des voyageurs. Et sur ces 60%, 60% des chutes dans le tramway sont la conséquence de freinage d'urgence. Donc, du point de vue des conducteurs, si on peut éviter de faire un freinage d'urgence, c'est vraiment une mesure qu'on... On est sans arrêt, comme conducteur de tram, en train d'arbitrer entre le fait, est-ce que je prends des précautions, c'est-à-dire je déclenche le freinage d'urgence dans une situation qui peut devenir accidentelle, ou est-ce que j'attends pour voir comment évolue la situation, parce que si j'anticipe trop en faisant un freinage d'urgence, je risque d'avoir un accident derrière moi, avec le voyageur. Donc, il y a un système de double injonction qui est compliqué, il y a un règlement qui veut qu'on déclenche le freinage d'urgence sans réfléchir, mais si on le fait de toute façon, du point de vue de la hiérarchie, on n'a pas fait son boulot, le freinage d'urgence est plutôt considéré comme un mauvais boulot, du point de vue de la hiérarchie, parce qu'on considère que c'est qu'on n'a pas assez anticipé. Donc, sauf cas exceptionnel, mais la plupart des situations, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a des cyclistes, on a des piétons, on a des voitures qui s'engagent, voilà. Donc, on est toujours dans des positions qui potentiellement peuvent se dégager ou qui peuvent se coincer, on ne sait pas. Évidemment, a posteriori, c'est assez facile de savoir ce qu'on aurait dû faire. Le problème du conducteur, c'est qu'il est a priori. Donc, il est tout le temps dans l'incertitude. Dernier point, moi, cette lutte, on souhaite quand même, au-delà du traitement des modifications du poste de conduite, on aimerait continuer à récolter quelques fruits. Et à travers le conseil d'administration de l'EPIC, il y a des représentants des salariés. Donc, moi, je fais partie avec un autre collègue qui est OCE. Et le fait de connaître les dossiers, entre guillemets, de devenir un peu le salarié expert au niveau qu'on est, on peut le vulgariser vis-à-vis du politique. Et en CA, avec notre collègue, on amène des arguments et le politique, il nous regarde. Déjà, l'étiquette CGT fait peur dans le monde politique, dans le monde du travail. Mais quand vous êtes dans le pertinent et que vous amenez des éléments concrets, factuels, ils vous écoutent. On a établi une relation de confiance avec certains politiques, alors je ne sais pas jusqu'où. Ce qu'on souhaite, c'est que demain, s'il y a un choix de matériel, que ce soit du bus, que ce soit, bien sûr, le tramway, qu'il y ait une consultation, une information, une consultation des représentants des salariés en amont, pour qu'on puisse dire en se faisant accompagner, bien sûr, hein, sans rentrer dans une expertise, qu'on donne un avis. Parce que l'expérience que nous avons à Clermont aujourd'hui, qui coûte à travers les budgets qui sont votés à nouveau, et au-delà du préjudice que subissent les salariés qui sont malades, qui subissent les maladies professionnelles, et ceux qui ne sont pas forcément malades, ils travaillent avec des difficultés, puisqu'ils sont toujours en train de contraindre leur posture, eh bien, on veut éviter tout ça. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être un petit peu écouté. Alors, je ne sais pas si on est entendu, mais ça, c'est un souhait. Au départ, il a fallu, avec notre direction, qu'on soit en accord. Aujourd'hui, on est en accord avec notre direction, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de réseaux. Demain, on souhaite l'être avec l'autorité organisatrice qui fait les choix. Et franchement, si demain, en France, on pouvait travailler comme ça, ça serait un grand pas pour les salariés. Juste un pour revenir, parce que j'ai perdu le fil un peu à un moment donné, c'est sur la question de surcharge cognitive. Donc, l'expertise faite par l'INRS et l'INEA en 2011 va mettre en évidence que actionner la veille, parce qu'ils ont fait des expériences de conduite sans veille, sans actionner. Donc, il y avait un deuxième agent qui était prêt à arrêter en cas d'effet. Mais donc, on a fait des essais, on s'est aperçu que les conducteurs voyaient mieux quand ils actionnaient pas la veille. D'un côté, donc on s'est aperçu qu'effectivement, qu'on sait qu'une double activité ampute les capacités cognitives et on a pu formaliser, y compris qu'un des conducteurs a dit « moi j'ai peur, maintenant je vois trop ». Que le fait d'actionner la veille, alors c'était un conducteur sur sept, permettait de faire disparaître la peur de d'avoir sans arrêt des piétons, etc. Donc on les voit moins quand on va être dedans. Mais la plupart disaient, c'est mieux, on voit mieux. Mais c'est à ce moment-là, on se rend compte qu'on voyait moins bien. Tant qu'on voit moins bien, on pense qu'on voit parfaitement. Tant qu'on n'a pas de situation de référence. Donc on a une vraie difficulté qui a pu être mise en évidence. C'est à ce moment-là que la fédération CGT s'est emparée du dossier et a fait voter des motions dans les CHSCT, dans les réseaux, sur la mise en cause de la santé et de la sécurité du fait de la VACMA. En particulier, ça a été voté à Montpellier en juin 2012. Et en septembre 2012, il y a eu un accident mortel qui correspondait au schéma décrit, c'est-à-dire un conducteur part de la place de la Comédie, voit un groupe de piétons juste au bord, est hyper concentré, hyper vigilant sur ces trois conducteurs. Il est absorbé par l'attention portée à la sécurité. Et il reste sur la veille. Il garde la main sur la veille, il ne la relâche pas. Il n'entend pas l'alarme qui se déclenche au bout de 10 secondes de maintien de l'alarme. Et il va jusqu'à l'arrêt d'urgence. Et un voyageur de 70 ans tombe et meurt. Et cet accident mortel, il y en avait eu un autre précédemment dans le même type à Reims, celui-là n'avait rien fait bouger. Celui de Montpellier va être un facteur déclenchant d'une prise de conscience dans le milieu. Enfin, on croit que c'est un facteur déclenchant. Il y a un groupe de travail qui se met en place au niveau national pour réfléchir à ce problème de veille au niveau des syndicats patronales. Le STRMTG se pose des questions. Le bureau enquête accident fait une enquête, qui est toujours en cours, qui n'est pas encore publiée. Et voilà. Alors ils réfléchissent. On a l'impression au début que le milieu va prendre conscience de quelque chose. On est optimiste toujours. On se dit, ben voilà, on a eu une alerte qui correspondait au scénario qui s'est passé. Donc on a, à Montpellier, il y a une pensée locale qui va transformer les choses dont on va après s'inspirer, mais ça reste au niveau local. Au niveau national, on va produire un système de masquage de ce qui commençait à émerger comme connaissance. Et on se retrouve en fin de période avec une enquête du BEATT qui n'a pas encore été publiée, mais j'ai discuté avec l'enquêteur, et ils ne se sont pas occupés de la question de savoir donc, comment ça s'est passé factuellement. Quel rôle a joué le maintien de la veille dans le déclenchement de l'accident. Et au niveau du groupe de travail de l'UTP, il n'y a rien qui est sorti. Et au niveau de la réécriture des guides, c'est encore pire qu'avant. Voilà. Donc c'est très bizarre qu'après un cycle, c'est là où on voit que les forces qui veulent maintenir, que c'est pas un problème de connaissance au sens sens, c'est là où moi je serais intéressé par des questions là-dessus, par des réponses, c'est comment on débloque une situation. Donc quand on voit tout ce qu'il a fallu faire à Clermont-Ferrand, virer la RATP, réaligner les acteurs, qu'il y ait des achats de commandes, pour que ça puisse changer, sur un enjeu en particulier qui n'a pas d'enjeu économique. C'est ça que je trouve le plus... On est quasiment dans un cas, les limites pures de rapports sociaux. Alors, c'est même pas des rapports SM. Je jouis de vous imposer une situation dégradante. C'est vraiment de l'ordre du fantasme sur les zombies, les morts vivants. C'est un truc très curieux. Ils ont manqué de nounours quand ils s'endormaient petits. Je ne sais pas ce qu'il faut câliner. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut entamer une période un peu d'échange avec Versailles? Ouais. Gilles Sess, j'étais médecin du travail récemment retraité. J'étais médecin du travail à l'ERATP. Plusieurs points. Premièrement, moi, ce qui me manque dans votre étude de poste, c'est un peu de l'ergonomie classique pure. Parce que moi, ce qui me manque dans l'étude, c'est tout ce qui environne l'organisation du travail. C'est-à-dire le temps de travail, la durée du travail, les pressions qui sont faites pour que le machiniste, le conducteur de tramway fasse un trajet régulier avec une régularité du trafic. Et je me souviens qu'au niveau du T3 à Paris, il y a eu un gros problème au moment où la vitesse de circulation au début était de 20 km/h. Les grands dirigeants de la RATP, les grands penseurs ont dit maintenant il faut augmenter la vitesse de circulation pour que ça circule plus vite, pour qu'il y ait plus de régularité, et passer à 30 km/h. Mais sans faire d'études sur ce que ça a impliqué l'organisation du travail et les conditions de travail du conducteur de tram. Et ça, je crois que ça me manque un peu. Secondo, au niveau de l'RATP, par exemple, on a eu, il y a 15-20 ans, le comité de régie d'entreprise nous a demandé au service de médecine de travail de faire une étude sur le poste du travail du nouveau bus sur l'R312 qui devait venir. Qui devait remplacer les anciens bus, ce qu'on appelait les SU, les C10. Et là, on a fait une étude a priori, puisque le bus n'était pas encore sorti. On a fait en tant que poly, avec plusieurs compétences, dont les ergonomes. On a fait participer les agents de la RATP sur leur poste de travail, puisqu'on. Nous, on disait que les meilleurs connaisseurs du travail, c'est ceux qui le pratiquent. Donc, si on ne met pas les conducteurs dans le coup, on fera un poste de conduite, mais alors mirobolant, très beau, tout ça, mais qui ne répondra pas forcément aux problèmes que se posent les conducteurs, avec leurs spécificités. Et donc, ça, c'était une étude qui a été faite, qui était très intéressante, qui a donné des résultats, quand on voit le poste de conduite. Mais après, c'était fini. Donc, on ne parlait plus de ce poste de travail. Au niveau des questions des troubles musculosquelettiques, deux choses. À la RATP, ils sont très malins pour ne pas reconnaître les troubles musculosquelettiques chez les machinistes. Les machinistes, ce sont les conducteurs de bus. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que dans le tableau, n'oubliez pas que la RATP s'assure elle-même que celle qui a un système de reconnaissance de maladie professionnelle interne, dépendant de la sécurité sociale, mais bon, interne, hein, bon, ça peut poser problème. Et il disait que dans le tableau de maladie professionnelle, c'était un camion monobloc. Or, un bus, le nom bus, autobus, n'était pas marqué. Et le bus n'était pas un camion monobloc. Et c'est pour ça qu'il refusait les maladies professionnelles, les troubles musculosquelettiques, qu'elle est en augmentant. Donc, voilà. Ensuite, sur le problème de poste de travail. Pourquoi ils font ça? Parce que d'abord, on ne veut pas que les travailleurs disent leurs mots sur leur travail, parce que ça peut être dangereux. Secondo, il est plus facile de faire sélectionner les agents au poste de conduite. Et on demande aux médecins du travail, et ça c'est, on voit la réforme de la médecine du travail, la loi Macron, puis les Rebsamen et les mesures de simplification sur l'aptitude et l'inaptitude où on supprime les aménagements de poste, il est beaucoup plus facile pour les employeurs de demander aux médecins du travail de sélectionner les personnes qui seront capables de conduire sans avoir de troubles musculo-squelettiques. Même, on ira peut-être même jusqu'à une étude de la carte génétique, par exemple. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et là, on dit, ceux qui ont un trouble musculo-squelettique, ce sont les gens qui sont faibles et qui ne peuvent pas faire ce métier. Donc, il faut les mettre inaptes. Sur cette question d'inaptitude, moi, je ne suis pas pour que la personne machiniste inapte ne revienne pas sur le poste de machiniste quand il est guéri. Ce qu'il faut, c'est changer le poste de machiniste pour qu'il puisse intégrer son poste. Ensuite, sur l'adaptabilité du poste, quand tu disais, Robin, que le conducteur était obligé de prendre son truc, le mettre sous le genou pour pouvoir avoir l'écran, ça veut dire que le poste n'est même pas adaptable à l'individu qui conduit. Et je me souviens que dans les études d'ergonomie classique, ce qu'on faisait, c'était, on prend une taille moyenne, avec plus ou moins d'intervalle de machin, là, et on détermine le poste par rapport à ça. C'est bien que ceux qui sont au-dessus du delta des 2 mètres ne pourront pas être à ce poste, et ceux qui sont en dessous d'un mètre 50 ne pourront pas remplir ce poste. Donc, vous voyez, et dernière chose, c'est sur le plan économique. Attention, moi je veux bien foutre la RATP dehors, tout ça. Le problème n'est pas là. Le problème qui va venir, et j'ai demandé à Européen sur le centre de travail, et c'est très inquiétant, c'est que le règlement européen et la Commission européenne et les États, les gouvernements, quels qu'ils soient de droite, de gauche, machin, truc chouette, et les employeurs, les patrons, veulent mettre en concurrence. Et le constructeur va être mis en concurrence. Et celui qui va employer les tramways va prendre le moins 10 ans. Pour que ça coûte moins cher. Ça pose un problème. Cette mise en concurrence, la compétition, la compétitivité. Et la RATP se situe dans ce cadre-là. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et autre chose, dernière petite chose, sur le CHSCT. Le CHSCT, c'est là où se nique aussi la force du travail, et c'est là où il faut mener à la bourre. Mais je pense que les expertises CHSCT doivent être reprises au niveau syndical, ce qui n'est jamais fait. On a des belles expertises, et les syndicats ne reprennent pas ensuite, ne suivent pas les choses. C'est bien que ça tombe à l'eau. Et c'est le syndicat, avec les travailleurs avec leur syndicat, qui font transformer la réalité et qui changent les choses. Voilà ce que je voulais mettre comme remarque. Je ne sais pas si on peut rapidement répondre. Oui, il y a des choses que vous dites qui sont bien sûr qu'on a pu vérifier, parce que nous, on a eu un partenariat avec la RATP. Le problème du rapport de force est fondamental. Aujourd'hui, vous avez dans les entreprises énormément de syndicats autonomes. Ils sont autonomes de quoi? Ils sont autonomes de rien du tout. Nous, aujourd'hui, dans notre boîte, on a plusieurs syndicats. Personne ne suit ce dossier-là. Il n'y a que nous qui... Alors, ils disent, c'est votre dossier, vous l'amenez au bout. Ben, bien sûr qu'on va l'amener au bout. Avec Robin, on arrive à travailler avec la Fédé des Transports. C'est jamais facile. Hein. Il faut monter à Paris, il faut s'investir. Mais les résultats sont là. Parce que quand l'UTP, il sent qu'il y a un rapport de force... C'est fondamental. Et ça passe que par le rapport de force. Le CHSCT a des moyens, mais il a les moyens. Nous, derrière, on a notre délégué syndical qui est toujours là. Et quand, avec le constructeur ou l'employeur ou le SNTC, il y a le rapport de force, il est mis avec la casquette CGT. Faut pas rêver, hein, c'est clair, ça c'est sûr. Et il faut continuer avec ça. Sinon, derrière, ça ne servira à rien. Ou ça nous servira qu'à nous. Et ça serait dommage de ne pas faire profiter ce qu'on a obtenu au long de ces 10 années. Ce que vous disiez sur le temps de travail et tout, nous, là-dessus, il y a une vigilance particulière. Hein. La ligne d'un terminus à l'autre, la ligne de tramway, au départ, le matin de bonne heure, mettons, le temps de parcours était de 42 minutes. Rapidement, on l'a amené à 45-48 minutes. Et en terminus, nous, on est venu voir les copains de Paris aussi, sur T3, en terminus, vous avez minimum 10 minutes d'un côté, ce qui vous permet de faire un retournement, d'aller aux toilettes. Il y a des toilettes à chaque terminus, c'est très important aussi. Et au deuxième terminus, vous avez 2 sauts de rame. Donc vous avez à peu près un quart d'heure. Sauf s'il y a un problème sur la ligne, un incident technique ou autre. Mais ça c'était fondamental. Et on a une vigilance particulière là-dessus. À Paris, on a vu, ils tournent, ils changent de loge et ils repartent. Ils n'ont même pas le temps de fumer une cigarette ou pas de se fumer, mais de se délasser sur le bord. Quoi. C'est terrible. Mais à la RATP, nous, l'analyse qu'on fait, c'est que, on a reparlé hier soir, le CHSCT, ils sont combien, 9 pour 14 000 salariés. Et le problème qu'il y a à la RATP, c'est que comme les conditions sont très dégradées dans le bus, les gens qui peuvent aller dans un tram, même un tram comme le Lorr, ils sont contents. Ils sont malades, mais ils sont contents parce qu'ils sont fermés, il n'y a plus de contact avec les usagers. C'est terrible, ça. C'est-à-dire, au nom d'une non-sécurité au travail, ils acceptent les comptes, mais ils seront malades très rapidement. Eux, ils ont 3 boutons de veille. Ils n'ont pas de tenue. Hein ? Oui, mais ils ont dupliqué le bouton de veille. Suite, pourtant, on était monté, faire profiter de notre expertise, CDEP, on avait porté, on avait échangé, tout le monde a bien écouté, personne n'a entendu, comme d'habitude, aucun rapport de force. Nous, on a eu des collègues syndicalistes, la CGT, il y en a un, putain, très littéraire, hein, il a fait un texte sublime, quoi. Il n'a même pas attendu la fin de la réunion, il est parti, quoi. Il y a un problème, hein. À un moment, il y a un vrai problème syndicalement. Nous, on n'est pas meilleurs que les autres, mais je vous garantis, quand on est sur le truc, on est sur le truc jusqu'au bout. Et depuis 10 ans, enfin, c'est un investissement, c'est du travail, mais à la fin, si on gagne, c'est tant mieux, tant mieux. Donc oui, le rapport de force, vous avez raison, le CHS tout seul, il est rien, il est rien. Oui, mais c'est aussi vrai qu'il y a quand même des régulateurs qui mettent la pression aux conducteurs. Ça, c'est certain, même chez nous, où on a quand même... Il y a des régulateurs qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas les lignes. Voilà, il y a le carrousel, il faut que ça roule, il faut ci, il faut là. Il y a eu un problème, parce qu'il y a 3 minutes à un arrêt, parce qu'il y a eu un malaise passager, un truc comme ça. Mais derrière, ben, les gars, ils leur mettent la pression pour rouler plus vite, pour récupérer le temps, pour que les trams soient réguliers au niveau des temps. Et c'est vrai que c'est problématique. Alors la direction nous dit que non, mais on sait très bien que si. Même si ça a changé, on a encore des régulateurs de l'ancienne génération qui, eux, sont encore dans le truc et mettent la pression au conducteur. C'est assez évident. Et ce qui n'est pas bon aussi pour tout ce qui est les troubles. Hein. Faire pas. Sur la T3, on avait discuté avec les syndicats sur la T3. Effectivement, il y avait la pression qui était mise par la ville, c'est-à-dire que les exploitants vendent des lignes qui vont à 20 km/h en vitesse commerciale, c'est-à-dire y compris les arrêts. Et la T3, ils allaient à 14 km/h en heure de pointe. Donc il y a Michel Rizzi qui a piloté, qui est un élu CGT au conseil d'administration, un ancien. Des bureaux d'études du département de Lille, qui a mis en place une étude des temps, faite à l'initiative syndicale, et sont aperçus que ça pouvait. Voilà, que l'idée de faire 20 km/h en vitesse commerciale, c'était même pas en rêve. On peut le faire à 1h du matin quand il n'y a personne, ou à 5h du matin quand il n'y a personne. En heure de pointe, on est forcément à 15-16 km/h de vitesse commerciale. Et le problème, c'est qu'on attend ça régulièrement dans tous les réseaux. Les exploitants vendent du 20 km/h, c'est un peu le chiffre fétiche, et il n'y a aucun réseau qui arrive. On parle peut-être à Lille, parce qu'ils sont dans une emprise, dans une configuration très particulière. Et il y a assez régulièrement des conflits au bout de 3-4 mois après l'inauguration, et qui ont justement pour enjeu les temps de parcours, la détermination des temps. Et là, avec Étienne, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on avait fait en 2009, au moment de l'expertise, c'est qu'on avait fait un calcul statistique sur comment évolue la vitesse en fonction des temps de la journée. Et comment la vitesse est faite. De quoi ? Des temps de stationnement, il faut savoir dans les transports urbains, les temps de stationnement qui comptent le plus. Alors pourquoi on ne perd pas autant de temps en heure de pointe que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de l'augmentation des temps de stationnement ? Eh bien, c'est pas très compliqué, on s'est rendu compte que la vitesse en interstation augmente parce que les conducteurs sont plus aux limites. Donc s'ils sont plus aux limites, c'est-à-dire plus de stress, plus de risques, plus de trucs, et ils prennent sur eux pour faire le temps. Donc on voudrait, sur 3-4 ans, hein, parce que le déploiement, ce qui est prévu pour l'instant, le déploiement des transformations des postes doit se finir en septembre 2017. Donc là, on est dans la phase où on finit les études, on va faire les derniers essais sur maquette, en maquette dynamique, en juillet. Et on aurait les premières transformations qui seraient déployées en début 2017, et ça serait fini en septembre 2017. Et donc on voudrait suivre, mais il y aura des modifications progressivement. Donc on voudrait pouvoir évaluer tous les ans ou tous les 6 mois un certain nombre de critères, et en particulier la question de est-ce qu'en modifiant le poste de conduite, est-ce qu'on modifie aussi la question du stress, est-ce qu'on modifie la question... La difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans tous les problèmes d'évaluation a posteriori des interventions sur les TMS. C'est la question du différement dans le temps des symptômes, le fait que les gens qui sont malades ne seront pas guéris parce qu'on modifie le poste, etc. Et la difficulté qu'on a à Clermont, c'est que c'est un tramway expérimental qui a eu des soucis de déraillement et de sensibilité du rail, et donc la vitesse est limitée à 40 km/h, au maximum. Donc, probablement d'ici 3 ans, cette vitesse aura changé. Et on sera bien obligé, pour faire une évaluation, d'intégrer le fait que d'autres conditions que celles sur lesquelles on est intervenu ont été modifiées. Mais on est bien conscient, mais en même temps, on ne peut pas intervenir sur tout. On a une opportunité d'intervenir sur le poste de conduite. Maintenant, la question des temps de parcours, c'est ce que disait Claude tout à l'heure, c'est de l'ordre du conflit syndical, je dirais, là, quotidien, enfin, de négociation sur les temps de parcours, sur les services, l'organisation des services, etc. Ça, c'est, dans tous les réseaux de transport, c'est fin quotidien, un des éléments clés des rapports sociaux. Une précision, vous étiez médecin du travail. Donc tu étais médecin. Nous, on a une absence importante dans notre dossier, c'est notre médecin du travail. Il est charmant, lui il est sur le stress au travail, il harcèle les salariés quand ils vont le voir, mais vous n'êtes pas stressé. Et il y a un dossier là, qui est fort, qui est argumenté, c'est nous qui, lors des plénières CHS, on interpelle pour que ils mettent. Mais bon, il y a un vrai problème. Et justement, il ne fait pas le lien avec... Il est pas dessus. Il y a des gens qui viennent le voir, qui ont des incapacités à freiner du pied droit, à accélérer du pied, enfin des trucs invraisemblables. Ils montent ils posent des contraintes de certains salariés à la direction, mais sur le dossier important aujourd'hui, on l'interpelle. Une fois, on est allé le voir en dehors des cirques. On n'arrive pas à le mobiliser à la hauteur de ce qu'il devrait être. Il est un peu effacé, il a peur de notre direction. Enfin, il y a tout ça, quoi. C'est dommage parce que c'est un acteur, normalement, ça devrait être un acteur important du dossier. Si je peux répondre rapidement, ça te pire en pire, puisque en fait, on assiste à la mort de la médecine du travail de prévention primaire des risques. Donc, on aura plus de médecins du travail, on aura des médecins de gestion des risques au service de la gestion des risques des employeurs. Et de sélection. Et comme la CARSAT, on les a interpellés là, on va retrouver une personne qui s'en était occupée du dossier à une époque, donc on va s'en servir parce que vis-à-vis de notre direction aussi, c'est l'injonction qui est là pour booster le dossier, pour. C'est un jeu de. Malheureusement, ça devient un jeu de rôle là où. Les acteurs qui devraient être au cœur du truc n'y sont pas. Par faute de moyens, de temps, on ne sait pas. Mais, aujourd'hui, le monde du travail se dégrade. Enfin, les contrôleurs du monde du travail se dégradent et ne sont plus là, quoi. Et c'est un moment, on va le payer cash, c'est sûr. Parce que nous, on va s'en sortir à la limite, mais demain, comment on va faire? Comment on va faire? Oui, puis il faut aussi savoir qu'on est quand même un peu dans le viseur de la CARSAT à T2C par rapport à ces 8 maladies professionnelles, quoi. Ce qui fait qu'on est, ils nous ont dit, nous on fait partie d'une étude par rapport à eux pour justement faire baisser ces maladies professionnelles. C'est aussi ce qui, je pense, a fait bouger les politiques et la direction. En plus, ça nous a bien aidé, hein, je pense. Parce que sinon... La CARSAT serait plus présente qu'un ouais. Ouais. Mais c'est vous qui les avez sollicités ou ils se sont saisis? Ah, la CARSAT, ils sont venus dès qu'il y a eu les reconnaissances de maladie. Ils ont fait une... Non, on peinait, et ils sont arrivés, et c'est vrai qu'ils ont bousculé le dossier. Ce qu'on n'arrive pas à savoir, on a discuté avec des ergonomes de Indigo qui ont fait une expertise à Bordeaux sur les problèmes de conditions de travail des conducteurs de tram. À Bordeaux, ils n'avaient aucune reconnaissance de maladie professionnelle. Chaque demande était rejetée. Et en fait, et alors que c'était curieux, parce que quand ils faisaient les observations, ils avaient ils voyaient des conducteurs avec des orthèses, avec sur les poignets, sur les gens qui actionnaient le manipulateur, qui à gauche, ils manipulaient avec la main droite parce qu'ils avaient trop mal avec la main gauche, etc. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont rencontré, c'est Alain Garrigou et Gabriel Carbaleda, ils ont rencontré les médecins qui statuaient, et ils se sont aperçus que Alstom et les autres avaient fait un travail de masque en disant bah oui, on a fait des études ergonomiques, il n'y a pas de souci avec le poste de conduite, il ne peut pas y avoir de souci avec le poste de conduite. Et les médecins qui statuaient dans ces trucs, ce n'est pas qu'ils étaient de parti pris contre les salariés particulièrement, mais ils avaient 300 dossiers, donc ils ne sont pas penchés là-dessus et ils ont plutôt non reconnu. Dès lors qu'il y a eu un gros dossier qui a été fait par Indigo avec des chiffres, des trucs, ils ont fait une rencontre avec les médecins de l'instance de reconnaissance des maladies professionnelles. À ce moment-là, il y a eu un dossier qui a été déposé dans lequel il avait été annexé le rapport d'expertise et la maladie professionnelle a été reconnue. Et les médecins se sont rendus compte qu'ils ignoraient complètement les conditions de travail des conducteurs de train. Donc là, il y a une vraie interrogation sur comment arriver d'abord à être au courant qu'il y a des maladies professionnelles. En web, c'est très difficile. Hein. D'abord, parce qu'il y a ce que disait Claude tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens, en plein RATP, on considère que si quelqu'un n'est pas complètement apte à la conduite du tram, s'il y a une inaptitude même partielle, alors il ne va pas au tram. Et donc c'est un peu le bâton de maréchal. C'est l'espace dans lequel on n'est plus confronté avec les voyageurs, avec la violence, avec un certain nombre de choses. Et donc, quitte à prendre sur soi parce qu'on a mal, on préfère avoir mal en prenant sur soi qu'en étant pris par les autres. Et donc, on a très peu de déclarations. Et quand il y a des déclarations, c'est évidemment trop tard. Alors, bizarrement, ce n'est pas parce que la RATP est son propre assureur qu'on est mieux au courant. Au contraire, les dossiers se perdent. Il faut 6-7 ans avant qu'on ait un retour. Donc, quand on a essayé de remonter au niveau de la RATP les maladies professionnelles, c'est impossible. On a réussi, mais on a des gens qui sont retraités. Et 3 ans après leur départ en retraite, on reconnaît la maladie professionnelle. Etc. Alors que c'est des TMS. Alors. Oui, non, pour ceux qui ont été reconnus, on en a. Donc, voilà. Et alors, sur les autres réseaux, on a une vraie difficulté, y compris au niveau syndical, de faire remonter par les CHSCT les connaissances qu'ils ont sur les maladies professionnelles. Ce n'est pas des dossiers suivis. Et c'est très, voilà, c'est très compliqué. Alors pour ça, moi, j'étais intéressé sur les réseaux épidémiologiques, sur le Pays de Loire, etc., pour comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à faire remonter dans un secteur d'arriver. Parce que on se retrouve dans la situation bizarre, c'est que dans les réunions au niveau national des responsables de réseaux tramway, le dogme, c'est qu'il n'y a pas de maladie professionnelle de tramway. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est pas grave s'il y en a 8 reconnus à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est un cas particulier, ils ont un truc à pneus, donc ça n'existe pas. Voilà. Donc, on évacue ça. Et puis dans les autres, on a fait disparaître les dossiers, donc ça n'existe pas. Et tant qu'on n'arrive pas à opposer, alors là, pour le coup, des chiffres, et on est bien conscient que ce n'est pas parce qu'on produira les chiffres que ça changera. Mais l'expérience montre, par exemple le cas de Montpellier, que le fait d'avoir fait un petit truc avant a permis d'agréger quelque chose. Après, le problème, c'est la vie syndicale, c'est aussi compliqué. En ce moment, la Fédération Transport Urbain est un peu dans la Fédération Transport et dans la panade, les bagarres internes, etc. Et bien, tous les dossiers qui sont traités au niveau national ne sont plus traités. Donc il y a une forme d'entropie du mouvement syndical et on rencontre ça dans les réseaux. Hein. Dans les réseaux, c'est très rare d'avoir un cas comme à Clermont où pendant 10 ans on a une même équipe syndicale qui fonctionne. Etc. À la plupart du temps, il y a un secrétaire qui a été plus ou moins acheté par une direction qui est partie dans une rupture conventionnelle. On a des dossiers qui se passent. Et quand au début de l'expertise, on était à Clermont-Ferrand, le CHSCT n'était pas considéré par le syndicat CGT. C'était considéré comme un des lieux de négociation pour avoir le secrétariat du CE. Et on laissait à FO ou aux autonomes le secrétariat du CHSCT. Et c'est après que c'est devenu une instance prise en compte par le syndicat. Et on a la bascule, maintenant le CE à Clermont-Ferrand est beaucoup moins politique que le CHSCT. Donc on est dans des trucs comme ça, et la remontée d'informations, la captation d'informations suppose de reprendre ces histoires-là, d'arriver à avoir des continuités, c'est super difficile. Et aussi lors d'échanges avec la RATP, nos collègues, on avait une réunion et il y avait des conducteurs de tram, et quand on les a informés de ce qu'était le risque et les TMS, certains découvraient. En fait, il s'est habitué à des douleurs sur le T3, entre autres, et il disait, mais aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je ne suis pas bien au travail, quoi. Et il y a une information qui est très importante de la part des CHS vers les salariés, en disant, les gars, vous n'êtes pas bien, mais ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous. Parce qu'on culpabilise et on s'adapte, malheureusement. Et certains, ils sont partis de cette réunion, ils ont dit, on comprend mieux, on va peut-être travailler là-dessus, mais après, comme c'est qu'une petite niche sur la RATP, c'est compliqué, hein, sur le réseau. Mais bon, d'être informé, c'est déjà la base du travail ou de la réflexion. Oui, puis comme nous ont expliqué les gars, les conducteurs, ils ont dit, nous, ce qu'il y a, c'est que si on lit qu'on a mal, on va repartir en bus. Et eux, ils n'ont pas envie. Parce qu'ils sont dans leur loge fermée, pas de contact, ils ont beaucoup moins de problèmes. Et c'est pour ça que aussi ils ne disent rien. C'est un problème, ça. Bonjour. Excusez-moi. Du coup, j'ai une question qui me vient à la fin de la conversation. Si je comprends bien, les conducteurs conduisent du bus ou du tram, mais sur les rails dont vous parlez, ne conduisent pas, font pas de conduite mixte en fait. C'est chez nous aussi, à Clermont-Ferrand aussi, ils font les deux, mais pas à Paris. Si, non, à Paris non. Si, si, à Paris ils font les deux, c'est obligatoire. Ouais. Après, ils se débrouillent pour ne pas le faire, ça c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une obligation pour poursuivre les habilitations de conducteur transport en commun. La grosse différence entre conducteur de bus et conducteur de tram, c'est que tram, c'est une habilitation locale, et conducteur de bus, c'est un permis national d'État. Et d'un point de vue conventionnel, les coefficients des conducteurs de tram étaient inférieurs aux coefficients des conducteurs de bus, de ce fait. Mais les conducteurs de tram sont pris dans les effectifs bus. D'accord, et on maintient une obligation, normalement, de conduire régulièrement un bus pour garder la validité de son permis. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre, il y a une fraction des conducteurs de tramway qui ne veulent plus entendre parler du bus. Donc ils font des échanges de services avec d'autres collègues pour ne pas faire. Et la hiérarchie ferme les yeux parce qu'ils considèrent que ça évite des problèmes et puis ils s'en foutent, puis on va valider le permis, c'est pas très grave, parce qu'on sait qu'il ne retournera pas au bus. Mais il y a une partie des conducteurs de train qui aiment bien retourner au bus, par exemple des gens qui sont sur la T2. La T2, c'est sur une emprise ferroviaire. Ils disent, bon, ça va bien, ça nous décontracte, mais c'est chiant. On aime bien retrouver du monde. Voilà. Il y a malgré tout, heureusement, encore des conducteurs de bus qui aiment bien qu'il y ait du monde. Donc il n'y a pas que l'aspect pathogène du contact. Les seuls réseaux où il n'y a pas du tout d'échange, c'est à Lille, à ma connaissance. Où le conducteur de tram, il n'est que conducteur de tram. Il y avait avant Marseille où les conducteurs de tram étaient aussi conducteurs métro. Il y avait Saint-Étienne où les conducteurs, alors c'est les anciens réseaux qui n'ont pas fermé. À Saint-Étienne, les conducteurs de tram n'avaient pas de permis de conduire, de transport en commun. Et donc ils étaient payés moins cher que les conducteurs de bus. Mais avec la rénovation des tramways, ça a été changé. Donc la plupart des réseaux, il y a polyvalence. Une dernière question et une réponse rapide. J'étais intéressé de savoir si vous étiez. Moi, je m'appelle Pascal Witt, je travaille à France Télécom, Orange. Je fais partie de la commission conditions de travail de Solidaire et je suis secrétaire de CHSCT d'un centre d'appel. C'est justement par rapport au fait d'un statut de secrétaire de CHSCT de centre d'appel que je voulais vous poser cette question à propos du système technique, à propos de. Si vous aviez mené une réflexion éventuelle sur l'histoire des contraintes du système technique de machiniste. C'est-à-dire que, par rapport à la question du fantasme des constructeurs ou du bureau des études, quoi, disons, de manière générale, le fantasme du bureau des études, de maîtriser cette idée qu'on peut tout maîtriser par le système technique. On le voit d'une certaine manière, nous, sur les centres d'appel, avec des injonctions contradictoires entre la durée moyenne de traitement des appels téléphoniques et la nécessité de faire de la qualité, c'est-à-dire de dépanner les SAV, on dépanne les gens par téléphone qui n'arrivent pas à se connecter par Internet. On a une contrainte des injonctions contradictoires qui consiste à dépanner au premier appel, si possible, le client, l'abonné qui nous appelle, mais on doit en prendre un maximum dans le. Il y a une injonction contradictoire qui me fait un peu penser à l'injonction contradictoire liée à l'action sur la veille dont vous aviez parlé. Alors donc on retrouve les mêmes trucs, mais la différence qu'il y a, c'est que les systèmes techniques des centres d'appel, c'est quelque chose qui est un peu lié à l'évolution du système économique, libéral, etc. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Pour autant, le métier de machiniste, il ne date pas d'aujourd'hui. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez eu une réflexion sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui sur l'évolution des contraintes techniques liées au... Vous avez compris ma question, oui. C'est ça que je voulais savoir si vous aviez une... Il y a deux manières de répondre. Brève, oui ou non. Et l'autre, elle est longue. Oui, il y a une évolution... Pour faire très court, avant, les systèmes, par exemple, tramway, étaient plutôt sur, en zone urbaine, pas forcément avec une emprise, ainsi de suite. La plupart des systèmes tramway fonctionnaient dans la circulation normale. Là, le fait qu'on fasse des sites propres, mais sans emprise ferroviaire, donc c'est des sites propres, mais ils sont accessibles, on peut circuler librement, font que les vitesses commerciales sont plus élevées. Avant, le tramway était pris dans les embouteillages. Donc, d'une certaine manière, il n'avait pas de souci de pression sur la vitesse. Il ne pouvait pas écraser toutes les voitures pour aller plus vite. Mais on retrouve ce même problème avec les nouveaux systèmes de bus rapides dès qu'on fait des sites propres. Dès qu'on fait des sites propres, on est à la fois plus protégé par rapport aux circulations tiers, mais en même temps, il y a une contrainte, une tension temporelle beaucoup plus forte. Et les risques, il y a moins de transition sur les risques d'accident. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la circulation, globalement, d'être entouré de voitures vous protège des accidents. Vous ne pouvez pas avoir une voiture qui surgit brutalement ou un piéton qui surgit brutalement. C'est moins évident. Si vous avez un site propre, vous pouvez avoir des gens d'un coup. Vous passez du tout au rien. Quand vous êtes dans des embouteillages, vous êtes assez tranquille. Vous vous énervez. D'accord. Alors le lien donc avec l'hypothèse d'un fantasme de quoi alors? Ah non, non, le fantasme là, il est très clair. Le fantasme, il est sur la mort, la défaillance qui se fait. C'est vraiment les pirates qui poursuivent la carte du trésor en étant mort. C'est vraiment ça. Après, en conception, ils n'ont pas de fantasme, ils n'ont plutôt pas de pensée. Voilà. Ouais, mais c'est le problème, c'est d'avoir échangé avec tous les gens qui ont conçu ce tramway. C'est conduit par une personne et pas par un robot. Et ils ne considèrent absolument pas l'humain, en fait. Ils imaginent que c'est une machine. Et les contraintes que l'humain va avoir, ils l'ont jamais imaginé. C'est pas concevable. Ce sont des ingénieurs. Et la contrainte, elle est frontale pour le salarié. Ça, c'est... Voilà.